excuse ma partner de venir à toi. Mais c'est avec ma fille, oui, que tu danses là. Excuse ma partner de paraître froid, oui. Mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Oui, ses pleurs ont suivi. Excuse ma partner de t'interrompre ainsi. Excuse ma partner de parler comme ça. Et ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, donc elle ne pensait pas à tout ça. Prenez l'espoir. Cette fille entre mes bras, entre mes bras, m'offre la joie. Excuse-moi, partner, de t'interrompre. Faudra chercher.